Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 1er février 2017. Voici les grands titres de cette édition. Une somme de plus de 66 millions de francs burundais a été volée à la coopérative d'épargne et de crédit COPEC de Gitega l'année dernière. C'est à l'aide des somnifères mis dans des pans que les voleurs ont donné aux veilleurs et aux agents de police que ces voleurs ont pu pénétrer dans cette microfinance. Jusque ce matin, ces sentinelles, les policiers n'étaient pas encore réveillés et ont dû être transportés à l'hôpital pour désintoxication. Correspondance dans ce journal. Le vaccin contre la fièvre jaune est efficace pour toute la vie selon une récente résolution de l'Organisation mondiale de la santé. Le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida nous donnera d'autres précisions à ce sujet. Après le retrait de la coopération technique belge dans le financement des groupes sectoriels de l'agriculture et de l'élevage et du développement rural, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage compte relancer les activités avec d'autres partenaires. Et la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en cours au Gabon entre dans sa phase finale avec le début ce mercredi du match Burkina Faso-Égypte, comptant pour les demi-finales. Présentation du parcours de ces deux équipes dans cette CAN. L'autre demi-finale opposera ce jeudi les sélections camerounaises et ghanéennes. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. La vaccination contre la fièvre jaune est efficace pour toute la vie, comme cela ressort de la récente résolution de l'Organisation mondiale de la santé. Le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida fait savoir que la carte irrelative est par conséquent valide pour les voyages à l'étranger toute la vie. Tade Nkoumana précise que la délivrance effectuée au niveau du programme élargi de vaccination, le requérant devant payer une somme de 35 000 francs burundais au niveau de l'OBR, l'Office burundais des recettes. Suivez plutôt Tade Nkoumana, dont les propos ont été recueillis par Alain Désiré au Kenyanais. Dernièrement, il y a une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé, la résolution 63.13, qui indique que désormais la validité de la vaccination contre le fièvre jaune est dite toute la vie, alors qu'avant c'était 10 ans. Donc on nous interpelle la population, les voyageurs, qu'il y a les vaccins contre le fièvre jaune et les cartes, et nous demandons à la population désireuse de pouvoir s'adresser au programme élargi de vaccination. Il suffit d'aller à l'OBR pour payer une somme de 35 000 francs pour avoir la vaccination et la carte irrelative. Et s'il arrive que cette carte soit perdue, quelle sera alors la procédure pour pouvoir avoir une autre carte? Ici, je précise qu'il y a l'enregistrement d'abord au préalable et il y a le numéro de la carte. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir bien garder la carte parce que c'est un des documents exigés pour faire des voyages au niveau international, et surtout dans les pays où sévit cette maladie de fièvre jaune, c'est surtout les régions tropicales. Sinon, l'enregistrement se fait avant l'attribution de la carte. Les précisions pourront être données une fois que la personne désirée s'adresse au programme d'agir de vaccination. Il y a les services techniques qui sont en charge de la délivrance de ces cartes, mais aussi d'administrer les vaccins contre la fièvre jaune. Tade Ndikoumana, c'est le porte-parole du ministère de la Santé. Et la ministre du Commerce demande à l'administration et à la police de faire en sorte que le sucre soit disponible, étant donné que la société sucrière du Mosso le distribue en quantité suffisante. Pelat Nyonguru demande aussi à la population de dénoncer tout individu qui cache le sucre pour d'autres fins. Suivez la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Pelat Nyonguru. Nous ne comprenons pas pourquoi cette pénurie du sucre, parce que la campagne de la Sosumo commence dès le mois de juillet et prend fin au mois de décembre. Et c'est-à-dire que la quantité produite par la Sosumo est distribuée durant toute l'année. Cela veut dire que ce n'est pas seulement le sucre qui va être utilisé durant la période de campagne, c'est-à-dire que la quantité produite par la Sosumo doit être conservée pour couvrir toute la période en attendant le début de la campagne. L'année de la Sosumo commence au mois de juillet pour prendre frais au mois de juillet de l'année suivante. Donc, c'est le plan de distribution mensuelle de la Sosumo. C'est-à-dire que la Sosumo donne la quantité de 1622 tonnes par mois, dont 900 tonnes sont distribuées à la mairie de Bujumbura. C'est pour cette raison que moi, comme ministre de Commerce, je ne comprends pas pourquoi la fluctuation des prix et la pénurie du sucre sur le territoire national burundi, parce que la quantité distribuée par la Sosumo n'a pas varié. Le prix fixé par le gouvernement actuellement est de 2200 francs par kilo. 104 798 francs par sac. Oui, Madame la Ministre, vous dites que le sucre est produit et distribué en quantité suffisante. Mais la pénurie de ce sucre continue à se faire observer. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour pallier à ce problème? J'interpelle donc la population, l'administration et la police pour pouvoir veiller au respect du prix et à éviter les spéculations qui ont été faites par les gens qui veulent gagner plus à bafouer les droits du consommateur. Il faut que les commerçants aient l'habitude de ne pas vendre le sucre à un coût très élevé. C'est pour cette raison que j'interpelle même la population à veiller quitte à ce que les commerçants spéculateurs soient punis pour pouvoir apprendre à respecter le prix fixé par le gouvernement. Pelate Nyonguru, c'est la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme au téléphone avec Didier Nyonzima. Après le retrait de la coopération technique belge dans le financement des groupes sectoriels d'agriculture et de développement rural, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage compte relancer les activités en collaboration avec d'autres partenaires. Pierre Claver Nivakivayo, conseiller au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui le déclare, explique également que son ministère va tout faire pour pallier aux problèmes liés à la famine qui s'observe presque dans toutes les provinces du pays. Et comme voie de sortie, Pierre Claver propose la coopération de tous les concernés dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Suivez-le au micro de Médard Nyongour. Avant, c'était financé par la coopération technique belge. Maintenant, sommes en train de chercher d'autres partenaires qui pourraient aider dans le financement de ce genre d'activités qui sont très importantes pour le ministère. C'est pour la coordination des activités provinciales. Au niveau national, je dois vous dire que nous avons déjà commencé avec le mois de décembre et nous avons eu une grande participation des partenaires. Et également, dans cette première réunion de décembre du GSD national, nous avons trouvé d'autres partenaires qui pourraient nous aider dans l'organisation des GSD provinciaux, notamment l'OFPABO, notamment la FAO. Et puis, ces secteurs se focalisent sur quoi? En fait, ce sont des groupes de réflexion où on fait la coordination des intervenants dans l'agriculture et on essaie de faire des harmonisations des approches au niveau de ces groupes sectoriels. Vous avez organisé ce genre d'activités au moment où la famine se fait observer presque dans toutes les provinces du pays. Que prévoit le ministère pour pallier à ce problème? Si nous sommes avec les autres, avec les partenaires de développement, nous pouvons trouver des activités pour pallier à l'insuffisance alimentaire. Je sais que le ministère a déjà contacté les partenaires pour qu'il nous aide dans les semences à préparer la deuxième saison culturelle afin de pallier à l'insuffisance alimentaire. Nous avons déjà approché le PAM, le FIDA, la FAO afin d'arriver à la population en détresse. Qu'en est-il de l'éducation à la population sur les changements climatiques? Les changements climatiques et les populations, nous commençons, mais ce n'est pas notre ministère de l'Agriculture qui suit le changement climatique. Nous sommes avec le ministère de l'Environnement. Et maintenant, nous avons révisé les pieds, nous avons le PENIA et nous avons intégrer les notions en rapport avec le changement climatique. Nous avons intégré les cultures qui s'adaptent au changement climatique. Il y a des cultures adaptées. Nous avons adopté une politique de gestion de l'eau. Ce sont des techniques que nous allons mettre en œuvre avec les autres partenaires de développement, bien entendu. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit, plus de 60 millions de francs burundais ont été volés par des inconnus dans la nuit de ce mardi à mercredi à la COPEC de Gitega. Les informations en provenance des dirigeants de la COPEC indiquent que les auteurs de ce vol ont d'abord donné des produits somnoliques aux deux policiers de garde et un veilleur qui était endormi jusqu'à 10h de ce mercredi. Correspondance d'Arthur Kavarouchi. Depuis 6 heures de ce matin, beaucoup de personnes étaient devant le siège de la COPEC antenne Gitega pour voir ce qui s'y était passé dans la nuit de ce mardi à mercredi. Et un important effectif de policiers avait été déployé et avait bloqué la route passant devant cette banque à partir de l'ancien parking de Bujumbura. Comme nous l'avons constaté, les deux policiers qui étaient de garde ainsi qu'un veilleur de la COPEC ont été embarqués à bord d'un pick-up vers l'hôpital régional de Gitega afin d'y recevoir des médicaments et pouvoir se réveiller. Jean-Claude Nimenya est le directeur administratif et financier de la COPEC. Il fait savoir que ces voleurs ont d'abord donné à ces deux policiers et à ce veilleur des pains contenant un produit qui donne du sommeil ainsi que de la bière. Il souligne que ces voleurs ont fait tout cela étant dans la parcelle de la banque. Ce directeur administratif et financier fait savoir qu'après avoir vu qu'ils se sont endormis, les voleurs ont fait entrer une bonbonne pour démolir le coffre-fort et qu'ils ont volé 66 532 541 francs. La police a alors arrêté ces travailleurs de la boulangerie centrale de Gitega se trouvant tout près de cette banque pour des raisons d'enquête. Parmi les curieux qui étaient là, beaucoup d'entre eux sont des enseignants qui venaient pour chercher leur salaire, mais ils disaient qu'ils ne savaient pas ce qui va suivre. À ces doutes, le directeur administratif et financier tranquillise leurs clients en disant que l'argent volé était assuré et que même les activités à cette banque ont bel et bien repris. Ils demandent pour autant à la police d'accélérer les enquêtes pour que ces voleurs soient arrêtés et punis. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Éducation à présent, certains enseignants de la direction provinciale de Rumonge se plaignent toujours du manque de manuels scolaires pour débuter les enseignements du deuxième palier de l'année scolaire en cours. Ils redoutent un grand retard dans l'achèvement des programmes. Au niveau de la DPI Rumonge, l'on informe que ces manuels seront disponibles très prochainement, sans autre précision. De Rumonge, correspondance de Jean-Pierre Misako. Depuis ce lundi, les premières années post-fondamentales des écoles de la direction provinciale de l'enseignement de Rumonge bénéficient des manuels scolaires des programmes qui restaient après le premier palier. Dans certaines sections de certaines écoles, les manuels pour élèves sont en quantité suffisante sans aucun guide pour l'enseignant. Dans d'autres, très peu de livres pour élèves sans aucun guide pour l'enseignant. Ailleurs, il n'y a ni livre pour élèves ni guide pour l'enseignant. Dans tous les cas, les enseignants des premières années post-fondamentales à Rumonge interrogés indiquent qu'ils sont dans l'impossibilité de pouvoir débuter avec les programmes du deuxième palier de l'année scolaire en cours après presque un mois de retard suite au manque de ces manuels. Ils ajoutent que c'est un problème qui entraînera le non-achèvement des programmes du deuxième palier et partant de toute l'année scolaire. Au niveau de la direction provinciale de l'enseignement à Rumonge, le conseil pédagogique qui les a réceptionnés informe que le bureau d'études et de programmes de l'enseignement post-fondamental qui a distribué ces manuels scolaires dans différentes écoles est au courant de cette situation qu'il a promis de régler dans les plus brefs délais, mais sans précision. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Politique à présent. La plateforme de l'opposition Senareda a pris mardi la décision de suspendre Frédéric Mvogui-Nyouvira, le président du parti Sabania Afro-Debout, ainsi que Mme Alice Nzomukunda et son parti. Le porte-parole de la coalition Pancras Tchimaye indique qu'ils ont commis la faute de participer notamment au dialogue qui, pour lui, réconforte le président Pierre Nkurunziza et son gouvernement. Il tient aussi à préciser que le directoire de la coalition est légal, contrairement à ce que dit le président du Frodebout, Frédéric Mvogui-Nyouvira. Le directoire, qui est l'organe suprême du scénario de Gritéka, il a décidé la prolongation du comité exécutif pour un mois jusqu'au 28. Le même directoire a mis en place une commission chargée de préparer les élections dans les meilleurs délais. Il n'y a donc pas de vide. Vous suspendez certaines personnalités ou certains partis politiques. Ne pensez-vous pas que vous progressez peu à peu vers la solitude? La solitude de 24 personnes sur 31 personnes, je n'appelle pas ça une solitude. Et dans tout combat, il y a des gens qui commencent la lutte, il y a des gens qui attrapent la lutte en cours de route, il y en a qui se fatiguent en cours de route et qui abandonnent la lutte, il y en a même qui meurent, il y a aussi ceux qui choisissent de rejoindre l'ennemi. Ceux qui sont chassés ou suspendus disent qu'ils vont se parler avec Bujumbura. Vous prenez quelle option? C'est un dialogue intérieur de surface. Si je veux rejoindre ce dialogue, si je veux rejoindre Nkurunziza, le scénario de Gritéka n'est peut-être que désolé, ne peut pas rentrer dans ce cinéma. Nous avons comme l'impression que nos amis sont en train de rentrer dans cette logique malheureuse. Si vous ne discutez pas avec le gouvernement Nkurunziza, c'est avec qui finalement que vous allez dialoguer et comment? Nous ne pouvons pas entrer dans une discussion qui se fout éperdument des Burundais réfugiés, des 6000 prisonniers politiques qui sont retenus dans les différents cachots. Vous pensez que la solution sera trouvée sans dialogue? La nature du conflit en cours, c'est la violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, et spécialement le troisième mandat qui a été forcé. Si on ne s'entend pas sur cette nature du conflit burundais, il ne peut pas y avoir de dialogue. Pancras Chimay au téléphone avec Léonce Vitariho qui a également appelé Frédéric Bambourguignon-Vira pour réaction. De son côté, il garde la position déjà prise par son parti, le Frodeboud, de participer au dialogue initié par le facilitateur Benjamin Mkapa. Il estime également que les décisions prises aujourd'hui contre lui et d'autres personnalités par le Sénared sont nulles et de nul effet. Suivez-le au téléphone avec Léonce Vitariho. Comme nous les connaissions, nous pensions qu'ils allaient agir ainsi. Donc, leur décision aujourd'hui est de nul effet. Il faut que le public constate que depuis que Dr Jean Minani était à la tête du SNARED, il y a un comportement qui devrait quand même appeler à des interrogations. On a constaté le départ de Nyangoma avec Minani, le départ de l'UPD, le départ de Odifax, le départ de Rajaru, de Deo, d'Aishimie, et tout ce monde-là avait des organisations politiques qui représentaient au sein du SNARED. Et voilà qu'aujourd'hui, il vient de décider la suspension de Nzomo Kunda, la suspension de Shivan Vignouvira, ça fait déjà 7. Et cet homme a-t-il la mission de consolider le SNARED ou a-t-il la mission de détruire le SNARED? Nous sommes accusés d'avoir décidé d'aller aux négociations. Nous disons très bien que le parti savoyard Frodebout, dans ses missions, cherchait des solutions pacifiques là où c'est possible. Nous croyons en le dialogue parce que ce dont les Burundais ont besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des solutions pratiques pour arrêter la descente aux enfers de notre pays. Suspension ou pas du Sénared, vous espérez pouvoir trouver des solutions pour une paix durable pour le Burundi et les Burundais? Absolument, nous n'avons pas d'autre choix si ce n'est que trouver des solutions. Et nous sommes capables de le faire. Les partis politiques qui sont invités à Arusha doivent d'une seule voix exprimer ce que les Burundais ressentent et proposer des solutions. C'est ce que nous cherchons. C'était Frédéric Bambourguignon-Vira au téléphone avec Léonce Vitariho. Dans l'actualité également, un jeune garçon du nom d'Armel Rouerignangue a été remis à sa famille ce mardi par le parquet de Bururi. Il était retenu depuis 2 semaines déjà par le service national de renseignement à Bujumbura, qui l'a interrogé sur la mort de son voisin à Vyuya, en commune Mugamba. C'est la satisfaction de sa famille, puisque ce garçon pourra reprendre le chemin de l'école, même s'il devra être à la disposition de la justice, selon le procureur de la République en province de Bururi. Sport à présent, c'est ce mercredi que débutent les demi-finales de la CAN 2017, la 31e édition qui se déroule au Gabon depuis le 14 janvier dernier. Le match de ce mercredi va opposer les sélections burkinabé et égyptienne qualifiées pour les demi-finales. Ce match va se dérouler à Libreville, la capitale gabonaise, et sera arbitré par un trio sénégalais à 19h GMT. Ce sera à 21h heure de Bujumbura. La lecture de cette belle affiche avec Evariste Nzikobanyanga. À 21h, heure de Bujumbura, c'est le grand rendez-vous du début des demi-finales de la 31e édition de la CAN qui se déroule au Gabon depuis le 14 février de cette année. C'est après 2 jours de repos, après les quarts de finale au cours desquels se sont qualifiées les sélections burkinabées et égyptiennes. L'équipe nationale du Burkina Faso est arrivée en quart de finale après 4 matchs dont 3 de poule. Lors du premier match de poule, le Burkina Faso a égalisé 1-0 avec le Cameroun. Les étalons ont également fait 1-0 avec le Gabon. La domination de 2-0 face à la Guinée-Bissau, voilà le résultat qui a poussé la sélection burkinabé à se qualifier pour les quarts de finale. En cette phase, les Burkinabés ont battu la Tunisie 2-0 pour retrouver les pharaons de l'Égypte en demi-finale. La sélection égyptienne a fait un score vierge 0-0 contre le Mali lors du premier match de poule. En second lieu, les pharaons ont battu les Ougandais 1-0 avant de battre le Ghana 1-0 lors du 3e match de poule. Dans les quarts de finale, l'Égypte a éliminé le Maroc sur le score 1-0, une victoire qui a qualifié les pharaons dans la demi-finale, sortie premier de sa poule devant le Cameroun, une autre demi-finaliste. Et le Gabon, l'hôte éliminé de cette CAN 2017, le Burkina Faso a bien l'intention de reproduire sa performance de 2013. Il y a 4 ans, en Afrique du Sud, les étalons avaient atteint la finale avant de s'incliner contre le Nigeria. Mais cette fois, la tâche est particulièrement ardue. Face à eux, à partir de 19h GMT au stade de Libreville, la sélection égyptienne, cette fois vainqueur de la compétition, un record, mais absente des CAN 2012, 2013 et 2014, 2015, celle-ci est revancharde et ne manque pas d'atouts, d'autant qu'elle a réalisé une excellente année 2016. Pour cette rencontre, c'est un trio arbitral sénégalais mené par Malin Diédiou qui a été désigné pour veiller au bon déroulement du match sur le terrain. Le deuxième match de la CAN en demi-finale opposera ce jeudi les sélections camerounaises et ghanéennes. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En République démocratique du Congo, la justice a libéré ce mardi 53 personnes arrêtées dans les opérations des forces de l'ordre contre des partisans de Kamuina Nsapu, un chef coutumier défunt. En Côte d'Ivoire, on se demande qui sera le successeur d'Alassane Ouattara en 2020. Et la réunion des chefs d'État pour le 28e sommet de l'Union africaine s'est achevée à Addis Abeba ce 31 janvier avec le retour du Maroc dans l'Union africaine. Le point avec Christelle Anizigama. La réunion des chefs d'État pour le 28e sommet de l'Union africaine s'est achevée à Addis Abeba le 31 janvier. Ce fut un rendez-vous historique avec le retour du Maroc dans le bloc régional. La famille panafricaine est désormais au complet. Le site de la Radio France Internationale écrit que la réunion a également été l'occasion de renouveler le bureau exécutif de l'Union africaine avec l'élection des nouveaux présidents de la commission Moussa Faki Mahamat qui succède à Madame Dlamini Zuma, première femme a occupé ce poste. En Côte d'Ivoire, de tout le personnel politique ivoirien issu du Rassemblement pour la démocratie et la paix, Amadou Gon Coulibaly et Daniel Kablan Duncan incarnent aux yeux du chef de l'État les deux meilleurs profils pour prendre sa succession. Mais les Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko pensent qu'ils peuvent aisément attendre la présidentielle de 2025 car ils ne sont pas prêts. Comme on le lit sur le site du journal Jeune Afrique, Kablan, c'est son quasi-clone sur le plan intellectuel et Coulibaly, c'est son plus proche collaborateur. Il est désormais le choix numéro un du chef de l'État, l'homme au-dessus du lot. En République démocratique du Congo, les 43 adultes et 10 mineurs en détention préventive depuis au moins 2 mois ont été relâchés par la justice contre la signature d'un acte d'engagement dans lequel ils promettent de ne plus se réengager dans un mouvement insurrectionnel. Les 10 mineurs ont été confiés à l'UNICEF à Kananga pour être ensuite admis dans un centre de réinsertion. Comme l'affirme Justin Milonga, vice-gouverneur de la province de Kasaï centrale, c'est un acte de bonne volonté des autorités dans le processus de recherche de la paix durable dans la province. Selon l'Organisation des Nations Unies, 140 personnes au moins ont été tuées dans les affrontements entre les forces de l'ordre et les partisans du chef Kamuina Nsapu. Une centaine de personnes ont été arrêtées, jugées ou condamnées depuis avril 2016. Merci Christella Nizigama. C'est la fin de ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Une somme de plus de 66 millions de francs burundais a été volée à la coopérative d'épargne et de crédit COPEC de Gitega la nuit dernière. C'est à l'aide de somniformes indépendants qu'ils ont donné aux veilleurs et aux agents de police que les voleurs ont pu pénétrer dans cette microfinance. Jusque ce matin, précisément à 10h, ces sentinelles, les policiers n'étaient pas encore réveillés, ont dû être transportés à l'hôpital pour désintoxication. Et le vaccin contre la fièvre jaune est efficace pour toute la vie selon une récente résolution de l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez suivi d'autres précisions avec le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Après le retrait de la coopération technique belge dans le financement des groupes sectoriels de l'agriculture et de développement rural, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage compte relancer les activités avec d'autres partenaires. Et la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en cours au Gabon entre dans sa phase finale avec le début ce mercredi du match Burkina Faso-Égypte, comptant pour les demi-finales. Présentation du parcours de ces deux équipes dans cette CAN, faite par Evariste Nzikobanyanga dans ce journal. L'autre demi-finale opposera ce jeudi les sélections camerounaises et ghanéennes. Il est 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de François Akimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.